le vieux. On vient, du monde, encore du monde. Il m'avait bien semblé entendre des barques. Je vais ouvrir, va chercher des chaises. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Il va vers la septième porte. La vieille, aux personnages invisibles qui sont déjà là. Levez-vous, s'il vous plaît, un instant. L'orateur doit bientôt venir. Il faut préparer la salle pour la conférence. Elle arrange les chaises. Donnez-moi un coup de main. Merci. Le vieux ouvrant la septième porte. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Donnez-vous la peine d'entrer. Les trois ou quatre personnes invisibles qui arrivent sont très grandes. Et le vieux doit se hausser sur les pointes des pieds pour serrer leurs mains. La vieille, après avoir placé les chaises comme il est dit ci-dessus, va à la suite du vieux. Le vieux, ma femme, monsieur, madame, ma femme, monsieur, madame, ma femme. Qui sont tous ces gens-là, mon chou? Va chercher des chaises, chérie. Je ne peux pas tout faire. Elle sort tout en ronchonnant par la sixième porte, entre par la septième, tandis que le vieux ira avec les nouveaux venus vers le devant de la scène. Le vieux, ne laissez pas tomber votre appareil cinématographique. Le colonel, la dame, madame Labelle, le photographeur, ce sont des journalistes, ils sont venus eux aussi écouter le conférencier, qui sera certainement là tout à l'heure. Ne vous impatientez pas, vous n'allez pas vous ennuyer tous ensemble. Allons-toi, plus vite, Sémiramis, avec tes chaises, il en faut encore une. La vieille va chercher une autre chaise, toujours ronchonnant par la troisième porte et revient par la huitième. La vieille, ça va, je fais ce que je peux, je ne suis pas une mécanique. Qui sont tous ces gens-là? Elle sort. Le vieux, asseyez-vous, asseyez-vous, les dames avec les dames, les messieurs avec les messieurs, ou le contraire, si vous voulez. Nous n'avons pas de chaise plus belle, c'est plutôt improvisé, excusez, prenez celle du milieu, voulez-vous un stylo? Téléphonez à Maillot, vous aurez Monique, Claude, c'est Providence, je n'ai pas la radio, je reçois tous les journaux, ça dépend d'un tas de choses, j'administre ces logis, mais je n'ai pas de personnel, il faut faire des économies, pas d'interview, je vous en prie, pour le moment, après on verra, vous allez avoir tout de suite une place assise, mais qu'est-ce qu'elle fait? Plus vite, Sémiramis. Je fais de mon mieux. Qui sont-ils, tous ces gens-là? Je t'expliquerai plus tard. Et celle-là, celle-là, mon chou. Ne t'en fais pas. Au colonel. Mon colonel, le journalisme est un métier qui ressemble à celui du guerrier. À la vieille. Occupe-toi un peu des dames, ma chérie. On sonne. Le vieux se précipite vers la huitième porte. Attendez un instant. À la vieille. Des chaises. La vieille, messieurs, mesdames, excusez-moi. Elle sort par la porte 3, revient par la porte 2. Le vieux va ouvrir la porte cachée numéro 9 et disparaît au moment où la vieille réapparaît par la porte numéro 3. Le vieux caché, entrez, entrez, entrez, entrez, entrez, entrez. Il réapparaît, traînant derrière lui une quantité de personnes invisibles, dont un tout petit enfant qu'il tient par la main. On ne vient pas avec des petits-enfants à une conférence scientifique. Il va s'ennuyer, le pauvre petit. S'il se met à crier ou à pisser sur les robes des dames, ça va en faire du joli. Je vous présente ma femme, c'est Sémiramis, ce sont leurs enfants. Messieurs, mesdames, oh qu'ils sont gentils. Celui-là, c'est le plus petit. Qu'il est mignon, mignon, mignon. Pas à cette chaise. Oh là là là là. La vieille sort chercher une autre chaise. Elle entre, elle sort par la deuxième, troisième, quatrième porte à droite. Le vieux, prenez le petit sur vos genoux. Les deux jumeaux pourront s'asseoir sur une même chaise. Attention, elles ne sont pas solides, ce sont les chaises de la maison. Elles appartiennent au propriétaire. Oui, mes enfants, il nous disputerait, il est méchant. Il voudrait qu'on les lui achète, elles n'en valent pas la peine. La vieille arrive le plus vite qu'elle peut avec une chaise. Le vieux, vous ne vous connaissez pas tous. Vous vous voyez pour la première fois, vous vous connaissiez tous de nom. C'est Miramis, aide-moi à faire les présentations. Qui sont tous ces gens-là? Je vous présente, permettez, je vous présente. Mais qui sont-ils? Le vieux, permettez-moi de vous présenter, que je vous présente, que je vous la présente. Monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, madame, madame, monsieur. La vieille au vieux, as-tu mis ton tricot? Aux personnes invisibles, monsieur, madame, monsieur. Nouveau coup de sonnette. Le vieux, du monde. Autre coup de sonnette. La vieille, du monde. Un autre coup de sonnette, puis d'autres, et d'autres encore. Le vieux est débordé. Les chaises tournées vers l'estrade forment des rangées régulières, toujours augmentées comme pour une salle de spectacle. Le vieux, essoufflé, s'épongeant le front, va d'une porte à l'autre, place les gens invisibles, tandis que la vieille, clopin clopant, n'en pouvant plus, va, le plus vite qu'elle peut, d'une porte à l'autre, chercher et porter des chaises. Il y a maintenant beaucoup de personnes invisibles sur le plateau. Les vieux font attention pour ne pas heurter les gens, pour se faufiler entre les rangées de chaises. Le mouvement pourra se faire comme suit. Le vieux va à la porte numéro 4. La vieille sort par la porte numéro 3. Revient par la porte numéro 2. Le vieux ouvre la porte numéro 7. La vieille sort par la porte numéro 8. Revient par la porte numéro 6 avec les chaises, etc. afin de faire le tour du plateau par l'utilisation de toutes les portes. La vieille, pardon, pardon, pardon, pardon. Le vieux, messieurs, entrez, mesdames, entrez. C'est madame, permettez. Oui, la vieille avec des chaises. Là, là, ils sont vraiment trop nombreux. Ah, là, là, là, là. On entend du dehors de plus en plus fort et de plus en plus près les glissements des barques sur l'eau. Tous les bruits ne viennent plus que des coulisses. La vieille et le vieux continuent le mouvement indiqué ci-dessus. On ouvre des portes, on apporte des chaises, sonnerie. Le vieux, cette table nous gêne. Il déplace une table, aidé par la vieille. Il n'y a guère de place ici, excusez-nous. La vieille, as-tu mis ton tricot ? Coup de sonnette, le vieux, du monde, des chaises, entrez, entrez, messieurs, dames, Sémiramis, plus vite, on te donnera bien un coup de main. La vieille, pardon, pardon, bonjour, madame, madame, monsieur, monsieur, oui, oui, les chaises. Le vieux, tandis que l'on sonne de plus en plus fort et que l'on entend le bruit des barques heurtant le quai tout près, et de plus en plus fréquemment s'empêtre dans les chaises, n'a presque pas le temps d'aller d'une porte à l'autre, tellement les sonneries se succèdent vite. Oui, tout de suite, as-tu mis ton tricot ? Oui, oui, tout de suite, patience, oui, oui, patience. La vieille, ton tricot, mon tricot, pardon, pardon. Le vieux, par ici, messieurs, dames, entrez, entrez, vais conduire les places, cher ami. Pas par là, attention, vous, cher ami. Puis un long moment, plus de paroles. On entend les vagues, les barques, les sonneries ininterrompues. Le mouvement est à son point culminant d'intensité. Les portes s'ouvrent et se ferment toutes, à présent, sans arrêt. Seule la grande porte du fond reste fermée. Elle est venue des vieux, sans un mot, d'une porte à l'autre. Ils ont l'air de glisser sur des roulettes. Le vieux reçoit les gens, les accompagne, mais ne va pas très loin. Il leur indique seulement les places après avoir fait un ou deux pas avec eux. Il n'a pas le temps. La vieille apporte des chaises. Le vieux et la vieille se rencontrent et se heurtent une ou deux fois sans interrompre le mouvement. Puis au milieu et au fond de la scène, le vieux, presque sur place, tournera de gauche à droite, de droite à gauche, etc., vers toutes les portes et indiquera les places du bras. Le bras bougera très vite, puis enfin la vieille s'arrêtera avec une chaise à la main, qu'elle posera, reprendra, reposera, faisant mine de vouloir aller elle aussi d'une porte à l'autre, de droite à gauche, de gauche à droite, bougeant très vite la tête et le cou. Cela ne doit pas faire tomber le mouvement. Les deux vieux devront toujours donner l'impression de ne pas s'arrêter, tout en restant à peu près sur place. Enfin, ralentissement, d'abord léger, progressif du mouvement. Les sonneries moins fortes, moins fréquentes, les portes s'ouvriront de moins en moins vite, les gestes des vieux ralentiront progressivement. Au moment où les portes cesseront tout à fait de s'ouvrir et de se fermer, les sonneries de se faire entendre, on devra avoir l'impression que le plateau est plein de monde. Le vieux, je vais vous placer. Patience, Sémiramis, bon sang. La vieille, il n'y a plus de chaise, mon chou. Puis, brusquement, elle se met à vendre des programmes invisibles dans la salle pleine, aux portes fermées. Le programme, demandez le programme de la soirée, demandez le programme. Le vieux, du calme, messieurs, mesdames, on va s'occuper de vous. Chacun son tour, par ordre d'arrivée. Vous aurez de la place, on s'arrangera. La vieille, demandez le programme. Attendez donc un peu, madame, je ne peux pas servir tout le monde à la fois. Je n'ai pas 33 mains, je ne suis pas une vache. Monsieur, ayez, je vous prie, l'amabilité de passer le programme à votre voisine. Merci, ma monnaie, ma monnaie. Le vieux, puisque je vous dis qu'on va vous placer, ne vous énervez pas. Par ici, c'est par ici, là, attention. Oh, chers amis, chers amis. Programme, mandigramme, gramme. Oui, mon cher, elle est là, plus bas, elle vend les programmes. Il n'y a pas de son métier, c'est elle, vous la voyez. Vous avez une place dans la deuxième rangée, à droite, non, à gauche, c'est ça. Gramme, gramme, programme, demandez le programme. Le vieux, que voulez-vous que j'y fasse? Je fais de mon mieux. Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Encore une petite place. Elle sera pour vous, madame. Approchez. Il monte sur l'estrade, obligé par la poussée de la foule. Mesdames, messieurs, veuillez nous excuser, il n'y a plus de place assise. La vieille, qui se trouve à un bout opposé. Demandez le programme, qui veut le programme? Chocolat glacé, caramel, bonbons acidulés, en voici, en voilà. Le vieux sur l'estrade, debout, très animé. Il est bousculé, descend de l'estrade, remonte, redescend, heurte un visage et, heurté par un coude, dit « Pardon, mille excuses, faites attention !» Poussé, il chancelle, a du mal à rétablir son équilibre, s'agrippe à des épaules. La vieille « Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Programme, demandez donc le programme, chocolat glacé !» Le vieux « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs !» Un instant de silence, je vous en supplie. Du silence, c'est très important. Les personnes qui n'ont pas de place assise sont priées de bien vouloir dégager le passage. C'est ça, ne restez pas entre les chaises. La vieille, qui sont tous ces gens-là, mon chou? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Le vieux, dégagez, messieurs, dames. Les personnes qui n'ont pas de place assise doivent, pour la commodité de tous, se mettre debout, contre le mur, là, sur la droite ou la gauche. Vous entendrez tout, vous verrez tout. Ne craignez rien, toutes les places sont bonnes. Il se fait un grand remue-ménage. Poussé par la foule, le vieux fera presque le tour du plateau et devra se trouver à la fenêtre de droite, près de l'escabeau. La vieille devra faire le même mouvement en sens inverse et se trouvera à la fenêtre de gauche, près de l'escabeau. Le vieux, ne poussez pas, ne poussez pas. La vieille, ne poussez pas, ne poussez pas. Le vieux, poussez pas, ne poussez pas. Ne poussez pas, messieurs, dames, ne poussez pas. Du calme, doucement, du calme. Qu'est-ce que... Vous n'êtes pourtant pas des sauvages, tout de même. Ils sont enfin arrivés à leur place définitive. Chacun près de sa fenêtre. Le vieux, à gauche, à la fenêtre du côté de l'estrade. La vieille, à droite. La vieille, mon chou, je ne te vois plus. Où es-tu? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent, tous ces gens-là? Qui est celui-là? Où es-tu? Où es-tu, Sémiramis? Mon chou, où es-tu? Ici, près de la fenêtre, m'entends-tu? Oui, j'entends ta voix. Il y en a beaucoup, mais je distingue la tienne. Et toi, où es-tu? À la fenêtre, moi aussi. Mon chéri, j'ai peur, il y a trop de monde. Nous sommes bien loin l'un de l'autre. À notre âge, nous devons faire attention. Nous pourrions nous égarer. Il faut rester tout près, on ne sait jamais. Mon chou, mon chou. Ah, oh, je viens de t'apercevoir. Oh, on se reverra. Ne crains rien. Je suis avec des amis. Que je suis content de vous serrer la main. Mais oui, je croise au progrès ininterrompu, avec des secousses pourtant, pourtant. Ça va, merci. Quel mauvais temps, comme il fait beau. J'ai peur quand même. Qu'est-ce que je fais là? Mon chou, mon chou. Chacun de son côté parle aux invités. Le vieux. Pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme, il nous faut de l'argent, encore de l'argent. La vieille, mon chou, oui, mon mari est là, c'est lui qui organise. Là-bas, oh, vous n'y arriverez pas, il faudrait pouvoir traverser, il est avec des amis. Certainement pas, je l'ai toujours dit, la logique pure, ça n'existe pas, c'est de l'imitation. Voyez-vous, il y a de ces gens heureux. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner en avion. À midi, ils déjeunent en chemin de fer. Le soir, ils dînent en paquebot. Ils dorment la nuit dans des camions qui roulent, roulent, roulent. Vous parlez de la dignité de l'homme. Tâchons au moins de sauver la face. La dignité n'est que son dos. Ne glissez pas dans les ténèbres. La vieille éclate de rire en conversation. Le vieux. Vos compatriotes me le demandent. Certainement, racontez-moi tout. Je vous ai convoqué pour qu'on vous explique. L'individu et la personne, c'est une seule et même personne. La vieille de son côté. Il a un air emprunté, il nous doit beaucoup d'argent. Je ne suis pas moi-même, je suis un autre, je suis l'un dans l'autre. Mes enfants, méfiez-vous les uns des autres. Je me réveille quelquefois au milieu du silence absolu, c'est la sphère. Il n'y manque rien. Il faut faire attention, cependant. Sa forme peut disparaître subitement. Il y a des trous par où elle s'échappe. Des revenants, voyons, des fantômes, des rien du tout. Mon mari exerce des fonctions très importantes, sublimes. Excusez-moi, ce n'est pas du tout mon avis. Je vous ferai connaître à temps mon opinion à ce sujet. Je ne dirai rien pour le moment. C'est l'orateur, celui que nous attendons. C'est lui qui vous dira, qui répondra pour moi tout ce qui nous tient à cœur. Il vous expliquera tout. Quand? Lorsque le moment sera venu. Le moment viendra bientôt. Le plus tôt sera le mieux, bien entendu. Ils ne vont plus nous laisser tranquilles. Qu'il s'en aille, mon pauvre chou. Où est-il? Je ne l'aperçois plus. Ne vous impatientez pas comme ça. Vous entendrez mon message tout à l'heure. Ah, j'entends sa voix. Savez-vous, mon époux a toujours été incompris. Son heure, enfin, est venue. Écoutez-moi, j'ai une riche expérience dans tous les domaines de la vie, de la pensée. Je ne suis pas un égoïste. Il faut que l'humanité en tire son profit. Aïe, vous me marchez sur les pieds, j'ai des engelures. J'ai mis au point tout un système. L'orateur devrait être là. J'ai énormément souffert. Nous avons beaucoup souffert. L'orateur devrait être là, c'est l'heure pourtant. Le vieux, beaucoup souffert, beaucoup appris. La vieille, beaucoup souffert, beaucoup appris. Vous verrez vous-même, mon système est parfait. Vous verrez vous-même, son système est parfait. Si on veut bien obéir à mes instructions, si on veut suivre ses instructions, sauvons le monde, sauvez son âme en sauvant le monde. Une seule vérité pour tous, une seule vérité pour tous. Obéissez-moi, obéissez-lui, car j'ai la certitude absolue, il a la certitude absolue. Jamais, au grand jamais. Soudain, on entend dans les coulisses du bruit, des fanfares. La vieille, que se passe-t-il? Les bruits grandissent, puis la porte du fond s'ouvre toute grande, à grand fracas. Par la porte ouverte, on aperçoit que le vide, mais une grande lumière envahit le plateau par la grande porte et les fenêtres qui, à l'arrivée de l'empereur invisible, se sont fortement éclairées. Le vieux, je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce possible? Mais oui, incroyable, et pourtant si. Oui, si, oui, c'est l'empereur, sa majesté l'empereur. Lumière intense par la porte ouverte, par les fenêtres. Mais lumière froide. Des bruits encore qui cesseront brusquement. La vieille. Mon chou, qui est-ce? Le vieux. Levez-vous, c'est sa majesté l'empereur. L'empereur, chez moi, chez nous, Sémiramis, te rends-tu compte? La vieille. L'empereur, l'empereur, mon chou. Ah oui, l'empereur, majesté, majesté. Elle fait éperdument des révérences grotesques, innombrables. Chez nous, chez nous. Le vieux, majesté, oh ma majesté, ma petite, ma grande majesté, oh quelle sublime grâce, c'est un rêve merveilleux, merveilleux. Mesdames, messieurs, levez-vous, notre souverain bien-aimé, l'empereur, est parmi nous, hurrah, hurrah. Il monte sur l'escabeau, il se soulève sur la pointe des pieds pour pouvoir apercevoir l'empereur. La vieille, de son côté, fait de même. La vieille, hurrah, hurrah. Les deux vieux trépignent. Le vieux. Votre majesté, je suis là, votre majesté. M'entendez-vous? Me voyez-vous? Faites donc savoir à sa majesté que je suis là. Majesté, majesté, je suis là, votre plus fidèle serviteur. Votre plus fidèle serviteur, majesté. Votre serviteur, votre esclave, votre chien. Oh, oh, votre chien, majesté. La vieille. Oh, oh, oh. Le vieux, me voyez-vous? Répondez, sire. Ah, je vous aperçois. Je viens d'apercevoir la figure auguste de votre majesté, votre front divin. Je l'ai aperçu, oui, malgré l'écran des courtisans. Malgré les courtisans, nous sommes là, majesté. Majesté, ne laissez pas, mesdames, messieurs, sa majesté debout. Vous voyez, ma majesté, je suis vraiment le seul à avoir soin de vous, de votre santé. Je suis le plus fidèle de vos sujets. Les plus fidèles sujets de votre majesté. Laissez-moi donc passer, mesdames, messieurs. Comment faire pour me frayer un passage dans cette cohue? Il faut que j'aille présenter mes humbles respects à sa majesté l'empereur. Laissez-moi passer. Laissez-le passer, passer, assez. Laissez-moi passer. Laissez-moi donc passer. Arriverai-je jamais jusqu'à lui? À lui, à lui. Pourtant, mon cœur et tout mon être sont à ses pieds. La foule des courtisans l'entoure. Ah, ils veulent m'empêcher d'arriver jusqu'à lui. Ils se doutent bien, eux. Oh, je m'entends, les intrigues de la cour. On veut me séparer de votre majesté. Calme-toi, mon chou. Sa majesté te regarde. Sa majesté est avec nous. Qu'on donne à l'empereur la meilleure place, près de l'estrade, qu'il entende tout ce que dira l'orateur. La vieille, on s'occupe de l'empereur. Enfin, le vieux, le ciel soit loué.

J'ai eu la gale. Mon patron m'a mis à la porte parce que je ne faisais pas de révérence à son bébé, à son cheval. J'ai reçu des coups de pied au cul. Mais tout cela, sire, n'a plus aucune importance puisque, sire, majesté, regardez, je suis là. Puisque votre majesté est là, puisque votre majesté prendra en considération mon message. Mais l'orateur devrait être là. Il fait attendre sa majesté. La vieille, que sa majesté l'excuse, il doit venir. Il sera là dans un instant. On nous a téléphoné. Le vieux, sa majesté est bien bonne. Sa majesté ne partira pas comme ça sans avoir tout entendu, tout écouté. Tout écouté, tout entendu. C'est lui qui va parler en mon nom. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de talent. Lui, il a tous les papiers, tous les documents. Il a tous les documents. Un peu de patience, sire, je vous en supplie. Il doit venir. Il doit venir à l'instant. L'orateur doit venir, majesté. Il viendra, l'orateur. Il viendra, il viendra, il viendra, il viendra, il viendra, il viendra, il vient, il vient. Il est là, le voilà. Le voilà. Silence, interruption de tout mouvement. Pétrifiés, les deux vieux fixent du regard la porte numéro 5. La scène immobile dure un certain temps. Très lentement, la porte s'ouvre, toute grande, silencieusement. Puis l'orateur apparaît, c'est un personnage réel. C'est le type du peintre ou du poète du siècle dernier. Feutre noir à large bord, lavalière, vareuse, moustache et barbiche, l'air assez cabotin, suffisant. Si les personnages invisibles doivent avoir le plus de réalité possible, l'orateur, lui, doit paraître irréel. En longeant le mur de droite, il ira comme glissant doucement jusqu'au fond, en face de la grande porte, sans tourner la tête à droite ou à gauche. Il passera près de la vieille, sans sembler la remarquer, même lorsque la vieille touchera son bras pour s'assurer qu'il existe. À ce moment-là, la vieille dira « Le voilà !» Le vieux « Le voilà !» La vieille, c'est bien lui, il existe. Il existe, et c'est bien lui. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve. Je te l'avais bien dit. Le vieux croise les mains, lève les yeux au ciel. Il exulte silencieusement. L'orateur, arrivé au fond, enlève son chapeau, s'incline en silence, salue avec son chapeau comme un mousquetaire et un peu comme un automate devant l'empereur invisible. À ce moment-là, le vieux dit « Majesté, je vous présente l'orateur. C'est lui !» Puis l'orateur remet son chapeau sur la tête et monte sur l'estrade où il regarde de haut le public invisible du plateau, les chaises. Il se fige dans une pose solennelle. Le vieux, vous pouvez lui demander des autographes. Automatiquement, l'orateur signe et distribue d'innombrables autographes. Aucun homme de son vivant ne peut espérer plus. Aucun homme ne peut espérer plus. Le vieux à la foule invisible. Et maintenant, avec l'autorisation de votre majesté, je m'adresse à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes petits-enfants, chers confrères, chers compatriotes, monsieur le président, mes chers compagnons d'armes et mes petits-enfants. Je m'adresse à vous tous sans distinction d'âge, de sexe, d'état civil, de rang social, de commerce, pour vous remercier de tout mon cœur. Vous remercier. Ainsi que l'orateur chaleureusement d'être venu en si grand nombre. Du silence, messieurs. Silence, messieurs. J'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui ont rendu possible la réunion de ce soir, aux organisateurs. Bravo! Aux propriétaires de cet immeuble, à l'architecte, aux maçons qui ont bien voulu élever ces murs. Murs! À tous ceux qui en ont creusé les fondations. Silence, messieurs, dames. Messieurs, dames! Je n'oublie pas et j'adresse mes plus vifs remerciements aux ébénistes qui fabriquèrent les chaises sur lesquelles vous pouvez vous asseoir, à l'artisan adroit, qui fit le fauteuil dans lequel s'enfonce mollement votre majesté, ce qui ne l'empêche pas cependant de conserver un esprit dur et ferme. Merci encore à tous les techniciens, machinistes, électrocutiens, cutiens, aux fabricants de papier, aux imprimeurs, correcteurs, rédacteurs, à qui nous devons les programmes si joliment tournés, à la solidarité universelle de tous les hommes. Merci, merci à notre patrie, à l'État, dont votre majesté dirige l'embarcation avec la science d'un vrai pilote. Merci à l'ouvreuse, ouvreuse heureuse, vendeuse de chocolat glacé et de programme, Gram, mon épouse, ma compagne, Semiramis, Pouspanmis, mon chou, il n'oublie jamais de me citer.

Tout d'un coup, devant l'absence d'une réaction espérée, il salue avec humeur, brusquerie, descend de l'estrade, s'en va vers la grande porte du fond de sa démarche fantomatique. Avant de sortir par cette porte, il salue cérémonieusement encore les rangées de chaises vides, l'invisible empereur. La scène reste vide avec ses chaises, l'estrade, le parquet couvert de serpentins et de confettis. La porte du fond est grande ouverte sur le noir. On entend pour la première fois les bruits humains de la foule invisible. Ce sont des éclats de rire, des murmures, des chutes, des toussotements ironiques. Faibles, au début, ces bruits vont grandissant, puis de nouveau s'affaiblissent. Tout cela doit durer un certain temps pour que le public, le vrai et visible, s'en aille avec cette fin bien gravée dans l'esprit. Le rideau tombe très lentement. Fin des chaises.